l'action. Misez le top, est-ce l'affiche en première page. Sérieux, sérieux, sérieux dans nos affaires. On joue le rôle de nos propres personnages. On voit des scènes proches de la science-fiction. Visez le top, est-ce l'affiche en première page. Sérieux, sérieux dans nos affaires. Acteurs de nos vies, on est comme dans un long métrage. Pas encore mort dans le film, au compteur, peu de kilométrages. On joue le rôle de nos propres personnages. Où certains te mettent des masques, des costumes de mythomane. À chaque moment, une mise en scène, même sans le clap, ça tourne. Y'a des personnes dans Stel ou dans les sacs cartoons. Le bon, le mauvais, le con, le gentil, à chacun ses actions. Un nouveau jour, une nouvelle série, avec haine ou passion. Dans les coulisses du tournage, quand le maquillage s'estompe, on s'aperçoit que le patron n'est qu'un maquisard leston. Un peu partout, c'est le même schéma, c'est le même scénario. Un rôle pour chacun d'entre nous, des quartiers riches au barrio. Ça peut jouer le gentil, comme jouer le warrior. Entre un et l'autre, la vie te propose encore un tas de rôles. On joue le rôle de nos propres personnages. On voit des scènes proches de la science-fiction. Viser le top, est-ce l'affiche en première page. Sérieux, sérieux dans nos affaires. On joue le rôle de nos propres personnages. On voit des scènes proches de la science-fiction. Visez le top, est-ce l'affiche en première page. Sérieux, sérieux, sérieux dans nos affaires. Selon les épisodes, on peut se questionner comme Belmont d'autres. Être marrant comme Jim Carrey ou se barrer comme tellement d'autres. Silence. On tourne, chaque séquence est en direct. Chacun sa direction, sa production ou son directeur. Acteur ou spectateur, tous les 24 heures un chapitre. Un angle différent à chaque film, one shot. Aucune retouche au montage. Effets spéciaux quand on est touché ou quand on plane. De la pression dans la version originale. Que des vedettes à l'affiche, que des petits cons qu'on pisse si mal. Ils veulent tous refaire le monde, un peu comme l'a fait Spielberg. Encore pire avec la bombe, avec un spliff d'air. Merde, combien ont critiqué le film avant de le faire. Une fois qu'ils réalisent, ils veulent le succéder l'avant-première. Une maman à rendre fière, voilà mon synopsis. Je dis d'office, laisse-moi jouer mon rôle avant de me taire. On voit des scènes proches de la science-fiction. Visez le top, est-ce l'affiche en première page. Sérieux, sérieux, sérieux dans nos affaires. On joue le rôle de nos propres personnages. On voit des scènes proches de la science-fiction. Visez le top, est-ce l'affiche en première page. Sérieux, sérieux, sérieux dans nos affaires. Silence. Sérieux dans nos affaires. Dans la façon dont on parle à nos frères. Sérieux dans nos affaires, dans la façon dont on parle à nos frères. Sérieux dans nos affaires, dans la façon dont on parle à nos frères. Sérieux dans nos affaires, dans la façon dont on parle à nos frères.